Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre histoire de l'espionnage et des espions dans la fabrique de l'histoire. Après avoir hier raconté par le menu, grâce à deux anciens de la DST, l'incroyable affaire Farwell, qui a permis de démanteler un réseau soviétique au tout début des années 80, et avant demain de nous promener dans l'exposition Espionnage à la Bibliothèque de littérature policière de Paris, avec Bruno Fulini, Catherine Chauchard et Jean-Louis Crémieux-Briac, qui rejoignit pendant la Seconde Guerre mondiale Londres et la France libre, et après demain de nous poser la question du passage de la figure de l'espion traître à celle de l'espion patriote, le documentaire de ce matin, signé Anaïs Quin et Séverine Cassard, nous re-raconte une des histoires d'espionnage les plus célèbres de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'affaire Rosenberg. Les époux Rosenberg, Ethel et Julius, sont devenus, au tout début des années 50 et jusqu'à leur exécution en 1953 aux États-Unis, les figures mêmes des espions soviétiques de la guerre froide. Mais on a beaucoup discuté aussi à cette période et depuis de leur culpabilité réelle, et on n'a jamais cessé jusqu'à ces dernières années de discuter justement de débattre sur la responsabilité de Julius ou d'Ethel dans cette affaire d'espionnage et également de se demander s'il était nécessaire de les condamner à mort. Jusqu'à 10h, Ethel et Julius Rosenberg, simple espion, un documentaire d'Anaïs Quin réalisé par Séverine Cassard avec les témoignages d'André Caspi et les analyses d'André Caspi, de René Sazera, mais également de Gilles Manceron, d'Henri Leclerc et de Romain Huré. No one can guarantee the survival of every home during a nuclear war. Alert today, alive tomorrow. Plan now with your family for civil defense emergency action. Learn how to protect your home. Call civil defense today. One of the greatest peacetime Ethel et Julius Rosenberg, simple espion. Les Rosenberg ont été condamnés à mort le 5 avril 1951. Pendant 2 ans, leur avocat, maître Emmanuel Bloch, a multiplié les appels pour casser le jugement et suspendre la sentence de mort. Il a tenté de démonter la machination politique dont les Rosenberg sont victimes, de prouver qu'ils n'étaient pas des espions, qu'ils n'avaient pas volé les secrets de la bombe A. Pendant 2 ans, les Rosenberg ont continué à plaider non coupables et à nier fermement tout ce dont ils étaient accusés. Êtes-vous toujours membre du Parti communiste ? C'était un meurtre et fait avec la plus entière bonne foi. C'est ça le drame. Ce n'est pas une machination de gens qui, sachant les Rosenberg innocents, les ont quand même considérés comme coupables. Ce sont des gens qui ont cru qu'ils étaient coupables parce qu'ils avaient des opinions politiques, n'est-ce pas ? On a vu les Rosenberg, on a dit ce sont des gens qui ne pensent pas bien, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas comme M. McCarthy. C'était la terrible époque du McCarthyisme en Amérique, la chasse aux sorcières. Et parce que les Rosenberg ne pensaient pas bien, dès qu'un soupçon, n'est-ce pas, les a effleurés, ils étaient perdus. Dans la nuit du 19 au 20 juin, Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés dans la prison de Sing Sing à New York. Julius d'abord, Ethel ensuite. Alors, était-il innocent ? C'est une question à laquelle il est vraiment difficile de répondre quand on ne sait pas tout. Lui avec ses lunettes et sa moustache, elle avec son col d'astrakhan et son chapeau posé sur une sage mise en plis, les époux Rosenberg sont immortalisés par un photographe sur le banc des accusés, séparés par une grille de sécurité. Cette photo fera le tour du monde, défrayant la chronique au début des années 50, au point d'ériger Julius et Ethel Rosenberg en figure emblématique de la guerre froide pour avoir transmis le secret de l'arme nucléaire à Moscou. Ces espions atomiques, exécutés sur la chaise électrique en 1953, ont symbolisé pour longtemps le martyr des communistes dans l'Amérique de McCarthy. La CIA délivre au compte-gouttes les pièces du dossier et les espions soviétiques en retraite donnent leur version de l'affaire Rosenberg sans pour autant désarmer les partisans d'un réexamen de leur procès. L'affaire Rosenberg a vu s'exprimer le monde entier sur la culpabilité des accusés et la pertinence de la peine de mort qui les a frappés. Les époux Rosenberg étaient deux États-Uniens de confession juive, même, je crois. René Sazra, ancien président de l'association pour le réexamen du procès Rosenberg. Il semble que Julius Rosenberg ait été très porté vers la religion juive. Toujours est-il que l'un comme l'autre appartenait à des milieux de l'East End, de New York, et des milieux pauvres. Et que, tout en peinant pour gagner leur vie, lui comme petit ingénieur, elle comme secrétaire, ils avaient commencé à militer, d'abord sur le plan syndical. Elle en particulier avait beaucoup milité sur le plan syndical. Et ils avaient milité aussi en faveur de l'Espagne républicaine. C'était l'époque de la guerre d'Espagne. Et ils et elle avaient passé un tronc pour recueillir des fonds pour l'Espagne républicaine. Ça avait laissé des traces, évidemment. Alors, était-il membre du Parti communiste ? Les dirigeants des États-Unis, bien sûr, ont toujours dit qu'ils étaient membres du Parti communiste. C'est possible. Ou bien n'étaient-ils simplement que des sympathisants ? On n'a pas de preuves, si vous voulez. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils étaient, si j'ose dire, communistes de cœur. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Les Rosenberg, ce sont des juifs comme il y en a beaucoup d'autres aux États-Unis. André Caspi, historien. À cette époque, d'ailleurs, la communauté juive représente un pourcentage par rapport à la population totale qui est plus élevé qu'aujourd'hui, puisque à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on comptait jusqu'à 3,7% de juifs parmi les Américains, alors qu'aujourd'hui, la proportion est inférieure à 2. Mais ça veut dire que pour un certain nombre d'Américains, en particulier d'extrême droite, non seulement les Rosenberg sont coupables parce qu'ils sont communistes, mais ils sont coupables aussi parce qu'ils sont juifs. C'est-à-dire qu'ils considèrent, ces gens d'extrême droite, que les juifs qui sont arrivés aux États-Unis en masse entre 1890 et 1924, qui n'ont pas pu entrer sur le territoire américain pendant la Shoah, il ne faut pas l'oublier quand même, que ces juifs-là ne sont pas complètement intégrés à la nation américaine et qu'en conséquence, ils sont prêts à trahir. Alors, évidemment, cette interprétation est complètement contraire à la réalité, puisqu'il y a le plus grand nombre de juifs qui sont au contraire des patriotes américains purs et durs, et même ceux qui ont adhéré au Parti communiste ne sont pas nécessairement hostiles au patriotisme. Simplement, il y a une confusion dans l'esprit de cette extrême droite entre juifs et communistes. On est communiste, donc souvent juif. On est juif, donc forcément communiste. C'est une interprétation qui ne correspond absolument pas à la réalité, mais qui démontre la complexité de la situation dans ces États-Unis du début des années 50. Her husband was convicted of actually transmitting the secrets to Russia through Soviet diplomatic channels. The ring was first uncovered following the arrest of Klaus Fuchs in England. David Greenglass, Mrs. Rosenberg's brother, confessed theft of the secrets while stationed. À New York, d'autres Américains manifestent au Palais des Sports à Madison Square contre les Rosenberg et demandent leur exécution. Ladies and gentlemen, friends, I'd like to read Mesdames, Messieurs, je voudrais vous lire un poème écrit par un bon Américain. Et quand les Rosenberg seront morts et drapés dans un linceul pourpre, tous les traîtres sauront, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, qu'ils risquent aussi de griller sur la chaise. L'Amérique trop longtemps a fermé les yeux. La sentence de mort aujourd'hui sera maintenue. Les Rosenberg doivent griller et mourir. Et si à cette mort ils risquent d'échapper, notre bannière étoilée ne pourrait plus flotter. Ethel Rosenberg avait un frère, Greenglass, David, je crois. René Sazra. Qui était tenu par le FBI pour des petits larcins qu'il avait commis dans l'usine atomique de Los Alamos où il travaillait. Alors on l'avait sous la main, bon, on lui avait fait comprendre qu'il avait intérêt à se tenir tranquille et que bon, on s'était dit que c'était pas temps de pouvoir utiliser comme ça. Alors, de là a été montée toute une théorie selon laquelle David Greenglass aurait, sous la direction de Julius Rosenberg, récupéré des renseignements sur la fabrication de la bombe atomique à Los Alamos et les aurait transmis sous forme de feuillets brouillons, etc., à Julius Rosenberg, lequel les aurait fait parvenir à Klaus Fuchs. Klaus Fuchs, qui était un physicien anglais, mais qui avait travaillé aux États-Unis, qui lui aussi était juif et qui ne faisait pas mystère de ses sympathies pour l'Union soviétique. C'est ce qu'on a dit. Les Américains savent, par le décryptage de communications entre les postes diplomatiques soviétiques, qu'il faisait partie d'un réseau. Gilles Manceron, historien et membre de la Ligue des droits de l'homme. Mais comme, enfin c'est du moins l'hypothèse qu'on peut émettre, comme ce système de décryptage, hein, c'est ce qu'on a appelé l'opération Venona, l'opération qui permettait de décoder un certain nombre de messages échangés par les soviétiques, reste opérationnel à l'époque. Ils n'en font pas état, si je puis dire. Ils attendent des accusés qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas apporter la preuve de leur culpabilité. Et ça, c'est un des éléments de ce procès. Et c'est aussi ce qui mobilise l'opinion publique, en France ou ailleurs, quand elle constate que l'accusation n'a pas apporté la preuve de la culpabilité des intéressés, même de leur appartenance à quelque réseau que ce soit en faveur des soviétiques. Et ils refusent d'avouer, ils se retranchent derrière la Constitution américaine qui les autorise à avoir les opinions qu'ils souhaitent. Ils se placent sur le terrain de la liberté d'opinion et ils refusent de répondre à des questions précises derrière cet argument. How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business. It's a big job getting civil defense organized to operate efficiently. Civil defense, an American tradition. If you receive warning of an enemy attack, take cover immediately. We can and must get the job done if we are to survive. On dit que ce sont des espions atomiques. André Caspi. Et dans la mesure où l'atome fait peur, il y a de quoi. On comprend que ces gens-là, s'ils ont transmis les secrets de la bombe atomique, ont commis un acte ou l'acte suprême de la trahison. Mais d'un autre côté, est-ce que l'on peut transmettre le secret de la bombe atomique? Surtout lorsqu'on occupe des fonctions relativement peu importantes, comme les fonctions qu'occupait Julius Rosenberg en 1945 ou en 1946. Mais est-ce que l'on peut transmettre les secrets de la bombe atomique? C'est peu vraisemblable. Il faudrait être un grand savant pour pouvoir éventuellement donner des informations valables sur les recherches qui mènent à la fabrication d'une bombe atomique. Donc c'est excessif. Les soviétiques, on le sait grâce aux travaux des historiens des sciences, hein, et notamment je pense aux travaux de Papendiaï sur Romain Huret, la firme du pont de Nemours, historien. Aux États-Unis, les soviétiques ont des difficultés à passer à l'étape industrielle en matière de production de l'arme nucléaire. Et les documents qui vont être transmis par toute une série d'espions, hein, notamment Karl Fuchs, à Los Alamos, vont permettre aux soviétiques de casser le verrou scientifique qui était le leur et de produire l'arme nucléaire. Vendredi 19 juin, Washington. Après de longues délibérations, la Cour suprême des États-Unis repousse la demande de sursis du juge Douglas. À Londres, des milliers de manifestants à Piccadilly Circus et Oxford Street. Une délégation se rend à Downing Street pour demander à Winston Churchill d'user de son influence auprès du président Eisenhower. Mais Churchill est dans sa maison de Chestwell et il refuse d'intervenir. Thank you. temps du New Deal, entre 1933 et, disons, 1939, il y a eu aux États-Unis une poussée vers la gauche. Au fond, Franklin Roosevelt a inauguré un État-providence, un État qui avait pour but de soulager les misères, de réduire le chômage, de donner au gouvernement fédéral un rôle beaucoup plus puissant qu'auparavant. Et puis, pendant la guerre, entre 1941, puisque les États-Unis sont entrés en guerre en décembre 1941, jusqu'en 1945, les Américains ont pensé qu'ils pourraient construire un monde nouveau, peut-être avec la collaboration de l'Union soviétique. Vous savez que Franklin Roosevelt entretenait cette illusion qu'il arriverait à s'entendre avec l'oncle Joe, comme il disait, c'est-à-dire qu'il considérait que Staline devait être sans doute un politicien à la manière de n'importe quel sénateur de l'Ohio ou de représentant de la Californie. Il se trompait lourdement, mais c'est ce qu'il a pensé au moins pendant une partie de la guerre. Quand il est mort en avril 1945, il avait compris que cela ne se ferait pas et qu'il y avait au contraire des intérêts complètement divergents entre l'URSS et les États-Unis. Donc les Américains sont passés de cette attitude sympathique à l'égard de l'Union soviétique à une attitude hostile, très fortement hostile. Moscou, c'est l'ennemi qu'il faut contenir. Et cela donne à cette extrême droite américaine des arguments forts. Alors, à partir de 1950, il y a même un sénateur du Wisconsin, Joe McCarthy, qui fait campagne précisément pour dénoncer celles et ceux qui n'ont pas compris que désormais la guerre froide est engagée. C'est-à-dire, il fait campagne contre les espions de l'intérieur, ce que l'on appelait en France à une autre époque la cinquième colonne. Et cette cinquième colonne, elle comprend des communistes, elle comprend des libéraux, elle comprend des gens qui n'ont pas fait le passage de la sympathie à l'hostilité à l'encontre des idées de gauche ou à l'encontre de l'Union soviétique. Et il est évident que dans ce schéma-là, les candidats aux fonctions politiques prennent en compte l'évolution de l'opinion. Alors, le McCarthyisme, comme on le dit, se manifeste dans tous les milieux, dans les milieux politiques bien sûr, mais aussi par exemple dans les milieux culturels, dans le cinéma, il se manifeste au théâtre, il se manifeste dans les universités. C'est-à-dire que partout s'instaure une chasse aux communistes. Ce sont parfois de vrais communistes, parfois ce sont des personnes que l'on accuse de communisme, mais ou que l'on accuse d'avoir été communiste. Il y a toute une série de possibilités, mais cela veut dire que ça donne à l'atmosphère de l'époque une particularité qui est plutôt favorable aux idées extrémistes, et surtout à l'idée qu'il y aurait un complot, une conspiration à l'intérieur de la société américaine pour favoriser l'avènement d'un régime communiste aux États-Unis. Alors évidemment, c'est un fantasme, mais c'est un fantasme qui envahit les esprits, beaucoup d'esprits, et qui contribue à donner une teinture particulière au tout début de cette décennie, c'est-à-dire entre, disons, 1949 et 1955. Oh, my name is Joe McCarthy, I'm the leader of the band. I don't play in the concert hall, but on the witness stand. I have the finest orchestra in Washington, D.C. And night and day I love to play McCarthy's symphony. Oh, Jenner howls and Veldy yowls and Muntz has poured on. The drums go bang, the cymbals clang from Maine to Oregon. And Hickenlooper tootles the flute as victims take the stand. The sweetest music ever heard is Joe McCarthy's band. Toodly-doo, try to sue. Toodly-doo, just try to sue. Toodly-doo, I'll tell you more, but I'll never, never, never say it off the Senate floor. Je cite souvent cet exemple, le 1er mai 1950, une petite ville qui s'appelle Mocini dans l'état du Wisconsin, Romain Huret, décide de faire un jeu de rôle à l'échelle de la ville pour montrer aux citoyens de la petite ville qu'est-ce qu'il risque d'arriver si la ville devient communiste. Et donc les citoyens perdent tous leurs droits, il n'y a plus qu'un seul journal dans la ville, le cinéma ne diffuse que des films à la gloire de Staline, les citoyens sont condamnés à ne manger que du chou et des patates à tous les repas. Donc on est dans une petite ville, hein, une petite bourgade de l'état du Wisconsin, donc il y a une vraie peur qui s'empare d'une partie des Américains et qui se diffuse dans la société et qui explique, je crois, pourquoi la condamnation des Rosenberg n'aura pas du tout la même incidence, hein, aux États-Unis que ce qu'elle va avoir dans le reste du monde. Mercredi 17 juin, les comités de défense des Rosenberg organisent des manifestations dans le monde entier. À Londres, à Hyde Park, à Paris, place de la Nation, à Bruxelles, à Rome, à Sydney, à Alger, à Vienne, partout. Aux États-Unis, des milliers d'Américains prennent à New York un train spécial pour Washington. Ils manifestent devant la Maison-Blanche. Ils demandent audience aux députés et aux sénateurs du Congrès américain. Il est dit que le pape Pie XII a intercédé auprès du président Eisenhower en faveur des Rosenberg. À Paris, un grand meeting a lieu au Vélodrome d'hiver. André Mauroy, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Jean Cocteau, Julien Quin, François Mauriac, Jean-Paul Boncour, Louis Aragon, Georges Duhamel, Henri-Georges Clouzot, Jean-Paul Sartre, Maurice Druon envoient des messages demandant la grâce des Rosenberg. C'est en 1952 qu'a été créé le comité français, qui était relié au comité états-unien, pour l'innocence des Rosenberg. René Sazera. Pour l'innocence et pour le salut des Rosenberg. Alors ça, c'était un comité qui comprenait de nombreuses associations, des partis politiques, le Parti communiste notamment, mais beaucoup d'associations, notamment la Ligue des droits de l'homme. Il y avait aussi des églises, enfin bon, la plupart pensaient que les Rosenberg étaient innocents, mais même des gens qui n'en étaient pas absolument sûrs étaient quand même membres de ce comité. Et puis, les Rosenberg ont été exécutés. Le comité en question, évidemment, s'est effiloché progressivement. Et c'est en 1993 qu'a été créée l'Association pour le réexamen de l'affaire Rosenberg. Autrement dit, dans cette association pouvaient se trouver aussi bien des gens qui croyaient à l'innocence totale des Rosenberg que des gens qui disaient que, bon, ils avaient peut-être commis quelques petits larcins vis-à-vis de l'arsenal militaire des États-Unis. Mais que de toute façon, c'était là-dessus que se fondait l'accord des membres de l'association, leur procès avait été un déni de justice. Tous ces membres, bien entendu, pensaient que ce procès avait été une monstruosité, qu'il fallait donc le refaire, comme l'avait d'ailleurs demandé en 1983, je crois, l'Association des juristes des États-Unis. Elle avait étudié au cours de son convent, c'est-à-dire de son congrès annuel, elle avait réétudié le procès avec tous les documents qui étaient déclassifiés depuis et avait conclu que non, ça ne pouvait pas marcher, quoi. On n'avait pas fait la preuve d'une culpabilité. Et donc, la plupart des membres de l'association Rosenberg pensaient que leur examen du procès prouverait une innocence. Il y a eu une émotion considérable sur les Rosenberg. Henri Leclerc. Et c'est certainement la première fois que j'ai manifesté contre la peine de mort. Ce qui après est devenu très fréquent. Vous commenciez vos études de droit à ce moment-là ? Oui, je commençais mes études de droit. J'étais en première année de droit à la faculté du Panthéon. Je me souviens très bien de l'importance qu'avaient les étudiants communistes dans cette bataille, enfin, de ces gens qu'on allait exécuter qui étaient innocents. Et je me souviens d'une très grande manifestation pour sauver les époux Rosenberg. Au jour de l'enregistrement, devait se décider le sort des Rosenberg. Émile Kahn, 27 juin 1953. Assiégés comme tant d'autres en Europe et en Amérique, de doutes troublants sur la culpabilité de ces deux êtres, alarmés comme tant d'autres à l'idée d'une erreur possible qui deviendrait irréparable, la Ligue est intervenue deux fois auprès du président Truman, puis du président Eisenhower. Ces interventions n'ont été dictées par aucune passion politique, mais par une anxiété purement humaine. À mesure qu'approche la date fatale, cette anxiété grandit, oppresse le cœur et devient presque intolérable. C'est pourquoi notre comité, traduisant, il le sait, le sentiment de la Ligue entière a décidé de s'adresser en même temps au président Vincent Auriol et à la reine Élisabeth pour les prier de faire entendre, avec tout le pouvoir de persuasion qui est le leur, la voix de la pitié humaine. C'est une affaire qui prend une dimension mondiale assez rapidement. Elle prend une dimension mondiale, mais étrangement, pas au moment de leur arrestation. Gilles Manceron. Parce qu'ils sont arrêtés en 1950, ils sont condamnés à mort en avril 1951, et la mobilisation autour de leur cas ne se produit qu'à l'été, à partir du printemps 52. Les premiers articles qui paraissent, par exemple, dans le Daily Worker, le journal communiste aux États-Unis, puis dans l'Humanité en France, ne paraissent qu'au printemps 1952. Ce retard s'explique par les circonstances qui amènent l'Union soviétique et le monde communiste à mettre le projecteur sur cette affaire, qui est une affaire d'espionnage aux États-Unis, mais qui, dans la mesure où ces deux accusés peuvent faire l'objet d'une campagne de défense importante, arrive à point nommé, en quelque sorte, pour détourner l'attention d'une répression terrible qui a commencé à s'abattre en Union soviétique et dans le monde des pays de l'Est qui l'entourent et qu'elle contrôle, sur les Juifs, notamment ceux qui avaient participé aux brigades internationales, qui avaient pris des fonctions, la libération du nazisme dans leur pays, et qui se trouvent arrêtés, torturés, poursuivis, objet de nombreux procès, comme d'autres dissidents. Mais parmi les dissidents visés, beaucoup sont juifs, et il y a une connotation fortement antisémite à l'Est dans cette répression qui se produit dans les 3-4 dernières années du règne de Staline, qui meurt en mars 1953. Accusé Slansky, comment vous, membre du parti depuis 30 ans, avez-vous été amené à entrer au service des impérialistes et à devenir le chef du complot contre notre démocratie populaire? Procès Slansky, novembre 1952. J'avoue être entré en contact avec le représentant des impérialistes anglo-américains et de leur service secret, Kony Ziliakus, qui s'immisçait dans les affaires intérieures tchécoslovaques. Slansky était le secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Il a fait partie d'une série d'arrestations qui ont visé un certain nombre de cadres, et notamment ceux qui avaient participé aux brigades internationales, qui avaient vécu dans la partie occidentale de l'Europe, notamment en France. Et donc, ces hommes qui, à la libération, avaient intégré l'appareil d'État de leur pays et étaient favorables à une évolution socialiste de leur pays, ces hommes, eh bien, ont été l'objet d'arrestations. Ça avait commencé avec l'Union soviétique en 1948, et puis ça s'est propagé en Hongrie, avec le procès RAC, en Pologne et en Tchécoslovaquie. Et alors, pour ce qui est de l'affaire Slansky en Tchécoslovaquie, les personnes arrêtées sont mises à l'isolement, on leur dénie toutes les fonctions qu'ils occupaient dans l'État. On les soumet à une torture longue qui détruit leur capacité de résistance et ils sont progressivement brisés. Et les accusés du procès Slansky, du procès de Prague, seront amenés tous à reconnaître le bien fondé de toutes les accusations proférées contre eux et seront amenés à apprendre par cœur leurs déclarations et les répéter devant le tribunal. Ensuite, on aura, début 1953, dans les derniers mois de la vie de Staline, ce qu'on a appelé le procès, l'arrestation des blouses blanches, qui visait surtout des milieux médicaux autour de Staline lui-même. Il rentrait dans une sorte de paranoïa qui lui faisait craindre d'être empoisonné. Et il a accusé les médecins de son entourage, qui étaient en l'occurrence des médecins juifs, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais la plupart, d'être des espions américains qui essayaient de l'empoisonner. Alors c'est ainsi que le cardiologue Yakov Ettinger, que le médecin-chef de l'armée soviétique Vladimir Vinogradov sont arrêtés, sont torturés, ainsi d'ailleurs que des membres de leur famille, et plusieurs d'entre eux mourront au cours de leur détention. On est à quelques mois du décès de Staline, et d'ailleurs ce décès est probablement causé par le fait qu'il n'était plus suivi par les meilleurs de ses médecins, si je puis dire. Et donc ça s'est retourné contre Staline, qui meurt le 5 mars 1953. Now this is the land of the brave and free, where we can sing and shout. But it won't be long if we don't stick together and try to keep the communists out. Now would you like for this country to be run by people who teach that there is no God? No. You would rather you and your loved ones, even your children, would sleep beneath the sod before this horrible fate would come to this land of good old democracy. But it won't happen if we live our religion and pray for those folks across the sea. So let's keep our country free and clean from this so-called communist name. Now you may be a Catholic, you may be a Protestant, or maybe you're a Jew, but no matter what you are, if you really live it, I'm sure the Lord will take care of you. Alors ce qui est quand même insupportable, il faut dire le mot comme il est, André Caspi, c'est que les communistes de l'époque accusent les États-Unis d'antisémitisme. D'abord, les Juifs américains n'ont pas du tout le sentiment que les Américains soient antisémites. Ils peuvent reprocher aux États-Unis et notamment à Franklin Roosevelt de n'être pas intervenu suffisamment fort pour éviter la Shoah. Ils peuvent reprocher au Département d'État d'avoir instauré des barrières difficilement franchissables pour que des réfugiés venus d'Europe puissent entrer sur le territoire américain, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que l'antisémitisme règne dans la société américaine. En revanche, dans les démocraties populaires, alors là, il y a quand même des éléments qui montrent que l'antisémitisme est une véritable politique d'État. Parce que au moment où éclate l'affaire Rosenberg, en Tchécoslovaquie éclate l'affaire Slansky. Et que dit-on contre Slansky? C'est que les Juifs sont directement responsables de la mise en cause du régime communiste cette fois-ci, puisqu'on est en Tchécoslovaquie. Et n'oubliez pas qu'au moment où l'affaire Rosenberg va trouver son dramatique épilogue, il y a le complot des blouses blanches en URSS, et c'est aussi le moment où l'alliance de 1948 entre l'État d'Israël et l'Union soviétique est brisée au profit d'une alliance entre l'Union soviétique et les États arabes. Donc, s'il y a un antisémitisme quelque part, c'est bien dans les États qui sont régis par les communistes, c'est-à-dire en Europe centrale et en Europe orientale, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Vous avez appris la nouvelle purge tchécoslovaque qui vient de frapper l'homme dont j'annonçais il y a 2 mois la liquidation, c'est-à-dire Rudolf Slansky. Jean-Paul David, 4 décembre 1951. Il convient de noter que l'humanité a été d'une discrétion étonnante. Seul, en 3e page, le communiqué de l'agence télégraphique tchèque annonce l'arrestation de Rudolf Slansky sans aucun commentaire. La rédaction du journal devait sans doute attendre des instructions. La Ligue des droits de l'homme à l'époque, Gilles Manceron, autant on peut s'interroger sur d'autres aspects de ses prises de position à tel ou tel moment, a été dans l'opinion française un des pôles de lucidité par rapport à la répression contre les Juifs dans l'Union soviétique et les pays sous son influence. Elle a été très, très vigilante et accusatrice par rapport au procès Rack, par rapport au procès Slansky, par rapport à ce qu'elle savait de la répression contre les blouses blanches, les médecins soviétiques autour de Staline. Donc, elle a accordé à cette répression une attention que d'autres secteurs de l'opinion française n'avaient pas à l'époque. Reste qu'elle s'est aussi mobilisée dans le cadre de la campagne pour les Rosenberg. Et si elle l'a fait, elle l'a fait en mettant en avant la question de la peine de mort qu'elle refusait par principe et la question du caractère inéquitable du procès. Contrairement au Parti communiste et à l'Humanité, qui se mobilisent contre l'exécution des Rosenberg, mais qui justifient l'application de la peine de mort à Prague ou en URSS. Jacques Duclos, dans l'Humanité, s'en prend à ceux qui sont contre la peine de mort en général, en disant il y a la bonne peine de mort utile et puis il y a la mauvaise qui doit être condamnée. Donc il y a une certaine part de manipulation qui a beaucoup de prise sur l'opinion et sur les individus à l'époque. Beaucoup de gens n'avaient pas conscience de toute la complexité de la situation. Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés dans la prison de Sing Sing à New York. Julius d'abord, Ethel ensuite. Ils ont été exécutés, on a été très, très affectés, très secoués par ça. Alors, Henri Leclerc. C'est 20 ans après que j'ai appris beaucoup de choses sur cette affaire. Mais à l'époque, c'était très simple, hein. C'était des innocents qu'on tuait. À partir de 1952, l'affaire Rosenberg est donc rendue publique dans la presse. Les lettres des époux Rosenberg sont publiées. Leurs lettres, qui sont des lettres d'amour et de confiance, apparaissent comme des symboles de la répression qui les frappe. Le fait qu'ils soient parents de deux garçons de 7-8 ans est mis en avant. Et qu'en est-il réellement ? Les époux Rosenberg étaient-ils des espions ? Le procès donc a commencé en 1951. Il a été d'une rapidité extrême à l'aune des États-Unis. C'est-à-dire que, vous savez, aux États-Unis, un procès, ça dure, il y a des appels, des contre-appels, etc. Là, ça a été très très rapide. Et un jury a été constitué. Ce jury, d'ailleurs, c'était curieux, sur 12 membres, dans une ville où il y avait 3 millions de juifs, on n'a pas été capable de trouver un seul juré juif. Pas de juré juif, pas de juré qui était contre la peine de mort, pas de ceci, pas de cela. Bon, un jury bien composé. On a donc posé à ce jury la question, Julius Rosenberg. Alors, on avait d'abord dit Julius Rosenberg, et puis ensuite on a dit, de toute façon, il y a aussi Ethel, parce que c'est elle qui a tapé les documents pour qu'ils puissent être transmis à Klaus Fuchs. Donc, quelque chose qui était, mon Dieu, moyennement nocif, avoir tenté de constituer une conspiration, etc., dans un pays qui n'avait jusqu'alors exécuté aucun espion. En particulier, il y avait un espion japonais qui avait été pris. Alors, le Japon, c'était donc l'ennemi à l'époque, pas l'Union soviétique. Parce que les faits sur lesquels ils ont été jugés concernaient la période 43-45, c'est-à-dire la période où les États-Unis étaient alliés de l'Union soviétique et en guerre contre le Japon. Bon, il n'a pas été exécuté. En fait, les États-Unis n'avaient jamais exécuté d'espions. D'une manière générale, d'ailleurs, comme on le sait, les espions ne sont pas exécutés, ou bien ils meurent mystérieusement en prison, ou bien, dans la plupart des cas, on les garde sous la main, on essaie de les retourner. Et si on n'y arrive pas, de toute façon, on les garde pour les échanger contre un espion à soi. Bon. Et d'ailleurs, à la suite, il y a, comme vous le savez maintenant, des amicales d'espions de tous les pays. Ah bon ? Oui. Bon, et donc, le jury délibère là-dessus et rend un verdict de coupable. Là-dessus, le juge Kaufmann, il condamne à mort. En droit des États-Unis, c'est parfaitement possible que le procureur transforme le verdict du jury. Il faut dire que le juge s'était entendu avec le procureur adjoint un mois avant le procès, pour rendre un verdict de mort contre Julius Rosenberg, mais pas contre Ethel Rosenberg. Ethel Rosenberg devait être utilisée pour faire pression sur son mari. On disait au mari, si vous ne dites pas ce qu'on veut que vous disiez, elle va être condamnée à mort elle aussi. Elle a été effectivement condamnée à mort, mais on peut considérer que c'est un échec pour l'accusation, parce qu'il ne voulait pas au départ. Jusqu'au bout, on a essayé de les faire avouer. Jusqu'au bout, ils ont refusé. Et ils sont morts très courageusement, comme on le sait. Ils n'ont jamais cédé. Nous sommes innocents, etc. C'est une période très importante pour le renseignement et qui est marquée par la guerre du renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va renforcer la professionnalisation des espions. Et les époux Rosenberg, dans ce contexte, vont apparaître comme des amateurs parce qu'ils s'engagent dans cette aventure qui les conduira, en tout cas pour le mari, à divulguer des informations pour la cause. Et ils ne vont respecter aucune règle de l'espionnage telles qu'elles ont été fixées dans les années 1930-1940 et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une source qui devient assez rapidement gênante, y compris pour les soviétiques, parce qu'ils ne sont pas assez professionnels et leur amateurisme risque de faire capoter l'ensemble du dispositif d'espionnage soviétique aux États-Unis. Et comment sait-on ça aujourd'hui, Romain Huret ? On sait parce qu'il y a eu des mémoires qui ont été publiées d'une série d'agents soviétiques au lendemain de l'effondrement du mur et de l'Empire soviétique. On a notamment les mémoires d'Alexander Feklissov qui va devenir le contact de Julius Rosenberg aux États-Unis. Et Feklissov est assez agacé du manque de professionnalisme de Julius Rosenberg. Rosenberg l'appelle camarade lors de réunions publiques, dans des cafés, etc. Donc c'est un moyen évident d'attirer l'attention. Rosenberg ne fait pas attention aux gens qui pourraient éventuellement le suivre, révèle des secrets qu'il ne devrait pas révéler en public. Et donc il y a une impression de gêne de la part de Feklissov, en tout cas ce qu'il raconte dans ses mémoires. Et donc, en dépit de son engagement à la cause communiste, Julius Rosenberg n'était pas un bon espion. Qui était Feklissov exactement ? Feklissov, c'est un membre du NKVD, le service d'espionnage soviétique, qui a la charge avec d'autres de l'espionnage sur le sol américain, qui va recruter toute une série de personnages aux États-Unis et qui se vante un peu d'avoir créé un réseau d'espionnage, même si les révélations d'autres... service d'espionnage montre qu'il n'y a pas vraiment de réseau, mais plutôt une succession de petites structures qui sont indispensables pour les soviétiques pour obtenir les informations concernant l'arme nucléaire. Finalement, c'est un accident dans le monde de l'espionnage, cette affaire Rosenberg ? Oui, parce que c'est un couple d'espions amateurs et donc ne respectant pas les règles de sécurité, ne faisant pas attention aux surveillances qui sont très fortes aussi du côté... américains, ils vont se faire rapidement prendre et leur arrestation montre bien que les soviétiques n'accordent guère d'intérêt pour la source puisque rien n'est prévu pour leur exfiltration ou pour les protéger. Donc je crois que c'est une source vraiment mineure pour les soviétiques mais qui va devenir paradoxalement la plus grande affaire de l'histoire du renseignement d'après la Seconde Guerre mondiale. On s'en servira d'ailleurs dans le panthéon du renseignement soviétique de cette affaire Rosenberg ? Oui, parce que c'est assez bien joué de la part des soviétiques, puisque non seulement ils arrivent à cacher le fait que les Rosenberg étaient une source mineure, à dire que ce n'étaient pas les espions, et donc à espérer avoir caché tout le dispositif de renseignement sur le sol soviétique, et en même temps ils vont créer une opinion mondiale qui va se retourner contre l'horreur américaine et... les pratiques judiciaires américaines qui sont celles d'un autre temps. We know the red we want is the red we've got in the old red, white and blue. It's the right red, not the wrong red, and the old flag knows it too. Est-elle Rosenberg ? Était-elle espionne finalement ? Non, toutes les sources confirment qu'il n'y a aucune preuve montrant qu'elle ait transmis des documents. En revanche, il est tout à fait plausible qu'elle était au courant des activités de son mari et qu'elle l'ait soutenu jusqu'au bout. Certains intellectuels conservateurs, je pense notamment à quelqu'un comme Nathan Glaser, a émis l'hypothèse que, conscients de leur faible rôle en matière d'espionnage, les époux Rosenberg auraient été liés par une sorte de pacte mémoriel, comprenant parfaitement qu'ils serviraient davantage la cause mort que vivant. Qu'on a appris de plus sensationnel vient du frère d'Ethel Rosenberg. C'est-à-dire que le frère a été le principal accusateur de sa sœur. David Greenglass. David Greenglass, oui. Et David Greenglass, au fond, a été l'accusateur parce qu'il a voulu éviter d'être poursuivi lui-même. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de cette affaire Rosenberg une autre affaire qui est une affaire proprement familiale. Et ce frère a porté, jusqu'à la fin du XXe siècle, une sorte de culpabilité cachée. Il le reconnaît aujourd'hui, il reconnaît qu'il voulait tout simplement sauver sa peau. Hein, et pour sauver sa peau, il n'a pas hésité à accuser sa sœur. Ethel n'aurait pas transmis de secret. Elle aurait été, pourrait-on dire, la complice involontaire. Mais il fallait, en somme, pour que Julius avoue qu'Ethel soit également condamnée. Or, Ethel avait un caractère très fort et refusait ce type de marchandage. Par conséquent, elle est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, aux côtés de son mari. Alors, c'est pour cela que l'affaire Rosenberg, ce n'est pas simplement une affaire politique. C'est aussi, je dirais, une affaire qui témoigne d'une certaine sociologie américaine, puisque tout à l'heure on évoquait la situation des juifs américains. Elle témoigne également d'une dimension intime, car il s'agit de la condamnation des époux Rosenberg, du mari et de la femme, qui laissent deux enfants, deux orphelins. Et ces orphelins ont été recueillis par la suite par une famille, ils ont même changé de nom d'ailleurs, puisqu'ils s'appellent aujourd'hui les Méropoles. Mais ça veut dire que, en dépit de tout ce qui pesait sur eux, les Rosenberg ont espéré jusqu'au bout qu'il y aurait un mouvement en leur faveur. Et je crois que c'est ça aussi une dimension particulière, parce que ils n'ont pas pris conscience de la réalité politique de leur temps. Les Rosenberg étaient persuadés que le temps du communisme allait arriver. Ils croyaient, dur comme fer, que la protestation mondiale en leur faveur ferait plier les autorités américaines. Ils croyaient, dur comme fer, que la République des États-Unis ne tarderait pas à devenir une République socialiste. C'est dire leur naïveté, c'est dire également leurs illusions, et c'est leur naïveté et leurs illusions qui expliquent que jusqu'au bout, ils aient refusé le moindre geste qu'on leur demandait, c'est-à-dire de reconnaître ne fût-ce qu'un peu de leur culpabilité. Ça les aurait sauvés de la chaise électrique. Mais pour eux, c'était impensable, d'abord parce qu'ils étaient persuadés de la vérité, de la force, de l'avenir des idées qu'ils défendaient, et d'autre part, ils avaient en eux la certitude que l'opinion mondiale les sauverait. Et dans un cas comme dans l'autre, ils se sont très lourdement trompés. C'est peut-être là le drame essentiel dans l'affaire des Rosenberg. Après, j'ai moi-même adhéré au Parti communiste, où je suis resté 2 ans. Et d'ailleurs, cette affaire Rosenberg n'est sans doute pas pour rien dans cette adhésion que j'ai eue au Parti communiste, parce que j'avais trouvé que cet engagement des militants communistes était tout à fait remarquable. Et je ne regrette pas mon engagement. Je ne regrette pas mon engagement parce que c'est le moment tout de même où ces espèces d'immenses élans populaires pour une cause juste, c'est très très important, si vous voulez. C'est vraiment ce qui peut se passer à un moment dans la vie de quelqu'un qui se rend compte que les combats solitaires sont inutiles, que ce qu'il faut, c'est combattre tous ensemble. Il y a une espèce de ferveur, et là-dessus, c'est vrai que les militants communistes, qui étaient aussi des militants ouvriers, je me rappelle aussi du défilé du 1er mai, des choses comme ça, c'est quelque chose qui, pour un jeune banlieusard, mais pas banlieusard au sens actuel, qui était, bon, pas J'avais une famille modeste de fonctionnaires qui n'étaient pas riches du tout, mais qui avaient les moyens, je dirais, d'une certaine façon. Et donc, cette ferveur pour sauver la vie d'un certain nombre de gens, avec le rappel, je me souviens très bien avoir relu à ce moment-là toute l'histoire de Sacco et Vanzetti, sur laquelle aussi, d'ailleurs, on nous a raconté des histoires en partie. Mais donc, ces grandes manifestations populaires sur un cas pareil font que c'est... Petit à petit, quand on se fait avocat et qu'on est en même temps militant, c'est vrai que l'erreur judiciaire, tout ça, ça marque beaucoup. Or, dans l'histoire, il y en a quand même eu un certain nombre. Là. Et Rosenberg, pour moi, ça a été ça. Et après, j'ai beau apprendre la vérité, je dis que cet élan, et les gens qui manifestaient là, c'était des gens qui, bien entendu, manifestaient pour ce qu'ils croyaient être la vérité à ce moment-là. Et même, ils manifestaient contre l'exécution de gens, et ça, c'est les premiers grands élans contre la peine de mort. Alors après, bien sûr, j'y ai passé ma vie. Now, brothers and sisters, I'm troubled to say, Brother Adam, listen, listen, listen, listen. This is a story of Adam and Eve. The courtship is causing a great upheaval. Now Adam was a sweet, young, innocent thing until the night that Miss Evil took him under her wing. Now Adam. Merci à André Caspi, René Sazera, Gilles Manceron, Henri Leclerc et Romain Huret. Archivina Aurélie Marsay. Prise de son Anthony Thomasson. Mixage Philippe Bredin. Ethel et Julius Rosenberg, simple espion. Anaïs Quien, Séverine Cassa. If you don't break a bad romance, we'll all fall down and go boom, boom, boom. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion et la télécharger pendant un an après cette même diffusion. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur nos pages, la page de la Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons cette histoire des espions et de l'espionnage en nous promenant dans l'exposition sur l'espionnage de la Bibliothèque de littérature policière à Paris.